Il restait à sa table, médusé, croyant voir cette âme qui se donnait. Il restait à sa table, délivré d'un plaisir sans pareil qui s'en allait. J'ai cru voir une femme qui me disait des mots, et ça n'était que toi, et déjà beaucoup trop. J'ai cru voir une femme qui me disait des mots, mais ça n'était que toi, et déjà beaucoup trop. La plus grave crise depuis Constantinople que l'on n'ait jamais vue. Oh, la plus grave crise depuis Constantinople que l'on n'ait jamais vue.